Difficile de caser de la lecture dans votre emploi du temps? Avec l'appli Audible, c'est possible. Pendant votre trajet quotidien ou avant de vous endormir, plongez dans un livre audio avec Audible. Romans, polars, coaching ou jeunesse, écoutez-les sur votre smartphone. N'attendez plus. Téléchargez l'appli Audible, le premier livre audio est offert. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'enfant est une personne. Il y a 30 ans, le 20 novembre 1989, les dirigeants de la planète s'engageaient à construire un monde respectueux pour les enfants de tous les pays. Ils signaient pour cela la Convention internationale des droits de l'enfant, incluant le droit à la santé, à l'éducation et à la protection. Et puis surtout, enfants de tout pays, vous avez le droit de faire entendre votre voix, vous avez droit à un avenir. L'aide humanitaire, les ONG, grandes ou petites, les organisations internationales se sont alors engagées pour mener ces actions concrètes et, si possible, efficaces. Mais certains en ont abusé. Aider, sauver, oui, bien sûr, mais qui? Comment et pourquoi? Car on ne s'improvise pas défenseurs des droits, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants. D'où ce retour, aujourd'hui, dans Affaires sensibles, sur l'épisode Arche de Zoé ou la dérive humanitaire. Le 25 octobre 2007, plusieurs bénévoles et responsables de l'Arche de Zoé tentent d'exfiltrer 103 enfants du Tchad pour évacuation sanitaire et pour les protéger du conflit au Darfour. Ils sont immédiatement arrêtés pour enlèvement d'enfants. L'affaire est grave et soulève de lourdes interrogations. D'abord, comment peut-on en arriver là? Quel rôle a joué l'État français dans la surveillance et la gestion de cette association? Si les réponses se trouvent, comme souvent, entre les lignes, il n'en reste pas moins que l'histoire de l'Arche de Zoé interroge les limites de l'aide humanitaire et de la solidarité internationale. Notre invitée aujourd'hui, Claire Brisset, ancienne directrice de l'information à l'UNICEF et ancienne défenseur des enfants, auteur par ailleurs des livres intitulés « Les enfants et la loi de la jungle » chez Odile Jacob et « Vive la Convention des droits de l'enfant » chez Rue du Monde. Vous entendrez également dans cette émission le reportage de Gaylor Van Wimersch qui a rencontré le journaliste de l'agence Kappa, Marc Garmirian, qui réalisait un reportage au sein de l'équipe de l'Arche de Zoé au moment des faits. Certains extraits de ce reportage seront diffusés au cours du récit. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Mézanob, coordination Christophe Barrère, réalisation Cayenne Guillem, Jérôme Chélius et Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Si l'histoire de l'Arche de Zoé éclate au cœur de l'Afrique de l'Est, entre le Tchad et le Soudan, elle prend racine sur les rivages endeuillés du golfe de Bengale, cette région ravagée par les tsunamis de décembre 2004. C'est là, du côté de Banda Aceh, qu'Éric Breteau, ancien cadre commercial dans l'automobile, pompier volontaire à Argenteuil et président de la Fédération française de 4x4, fait ses premières armes dans l'humanitaire. Au cœur du drame asiatique, il fonde une association, l'Arche de Zoé. Réputé fonceur et charismatique, il parvient, grâce à quelques coups d'éclat, à faire connaître l'Arche de Zoé qui fait partie de ces petites associations qui se sont multipliées pour venir apporter leur aide sur le terrain. Dans l'urgence et l'émotion, la difficulté de coordination entre les ONG professionnelles et les nombreuses petites structures pleines d'envie mais débutantes, tout cela pose problème. À la fin de l'année 2006, Éric Breteau rejoint une mission de la Croix-Rouge française en Indonésie après le tremblement de terre sur l'île de Java. Il rencontre une jeune ambulancière, Émilie Lelouch, dont c'est la première expérience humanitaire. Ensemble, ils font le constat amer du monde humanitaire institutionnalisé. Lourdeur administrative, gestion économique, manque d'efficacité. Devenus amants, ils décident de se lancer ensemble et à fond dans l'aventure Arche de Zoé, l'association d'Éric Breteau, petite structure mobile, souple, indépendante. Reste à trouver une cause. Elle se niche quelque part dans la partie occidentale du Soudan, le Darfour. S'y affrontent depuis 2003 les forces gouvernementales du régime de Khartoum et les rebelles issus pour partie de l'armée de libération du Soudan et du mouvement populaire de libération de ce pays. Une situation particulièrement compliquée du fait des conflits internes entre les tribus d'origine arabe et africaine dont profite le gouvernement de Khartoum en soutenant des milices arabes, les Khanroujides, qui mènent des raids meurtriers. Les images des villages détruits, des mouvements de population, des camps de réfugiés mettent du temps à émerger du côté occidental. Les intérêts pétroliers chinois au Sud-Soudan bloquent toute action onusienne. Si dès 2004, les États-Unis dénoncent un génocide en cours au Soudan, il faut attendre 2007 pour que la communauté internationale prenne véritablement la mesure de la situation. Et comme souvent, elle le fait sans tenir compte des complexités locales et de l'action menée depuis le début par les ONG sur place. Les associations Urgence Darfour et Sauver le Darfour soulèvent le problème qui finit par s'inviter dans la campagne électorale française. Le 20 mars 2007, un grand meeting est organisé pour cette cause. Bernard-Henri Lévy, l'intellectuel tout-terrain et multicause, prend la parole. Ce que j'ai vu, ça passe l'imagination. Ça passe ce que je pensais être la situation du Darfour. Ces villages brûlés, ce désert absolu, ces centaines de kilomètres où il n'y a plus trace de vie humaine, ces hommes et ces femmes à qui on a tout retiré jusqu'à leur propre mort. On ne sait même pas combien de morts au Darfour. Est-ce que c'est 200 000, 300 000, 400 000 ? Aucune ONG, aucune organisation humanitaire n'est capable de le dire. Ces morts sans nom, ces morts sans visage, ces morts sans nombre, ces morts qu'il faudrait, pour pouvoir les dénombrer, exhumer des charniers où on les a enterrés à la hâte. Moi, c'est de ça que je veux témoigner. Face à ce discours, les associations humanitaires françaises engagées sur le terrain dénoncent le simplisme des arguments, une surenchère guerrière. Mais l'opinion est touchée. C'est dans ce contexte que l'Arche de Zoé se lance dans sa nouvelle mission au Darfour. Depuis quelque temps déjà, le couple Éric Breteau-Émilie Lelouch réfléchit à une opération dans cette région du monde. Son idée est de rapatrier en France des orphelins et les confier à des familles d'accueil volontaires. Éric Breteau se renseigne sur les conditions juridiques du projet. Il se rend sur place où il prend contact avec plusieurs ONG, Médecins sans frontières, Action contre la faim, entre autres. Il revient marqué par ce voyage. Arrêté par un groupe de rebelles armés au cours d'un repérage, il frôle la mort. Et puis la situation des réfugiés, des enfants notamment, le secoue profondément. Il en est à présent convaincu, son projet est une nécessité. Et il profite de la journée internationale pour le Darfour, le 28 avril 2007, pour lancer son opération. En témoigne cet extrait du texte qu'il publie ce jour-là sur le site internet de l'Arche de Zoé. Il a pour titre « 10 000 orphelins du Darfour évacués vers l'Europe et les USA ». Voilà 4 ans que dure le conflit du Darfour, à l'ouest du Soudan. 4 ans que des millions de civils innocents, pour la plupart des femmes et des enfants, sont massacrés, torturés, violés, pillés, affamés et chassés de leur village. L'Arche de Zoé, association humanitaire œuvrant au secours des enfants depuis le tsunami du 26 décembre 2004, lance une opération d'évacuation des enfants orphelins du Darfour. Elle propose aux familles d'accueil qui le souhaitent de venir en aide et de prendre en charge dans leur foyer un enfant orphelin de moins de 5 ans, réfugié de la guerre au Darfour. Le droit international le permet autant que la morale l'impose. Il faut sortir de la logique des discours politiques stériles, de l'humanitaire alibi et des négociations diplomatiques interminables. La survie des enfants passe par des actes. Maintenant, dans quelques mois, ces enfants seront morts. Pour devenir la famille d'accueil d'un enfant du Darfour, contactez sans attendre l'association L'Arche de Zoé. Immédiatement, l'association Enfance et Famille alerte le ministère des Affaires étrangères. L'adoption est l'une des questions les plus délicates de l'action humanitaire. Elle touche à des domaines juridiques et culturels spécifiques à chaque pays. L'adoption internationale, par exemple, est interdite au Soudan. D'autres associations s'alarment pour les mêmes raisons, UNICEF, Terre des Hommes. Puis une série de communiqués du ministère des Affaires étrangères avertit à plusieurs reprises l'illégalité du projet. Le 4 juillet, Laurent Contini, conseiller de Bernard Kouchner, le ministre des Affaires étrangères, reçoit Éric Breteau. De cette réunion, les versions divergent. Pour le président de l'Arche de Zoé, le conseiller lui aurait apporté son soutien dans l'opération, ce que son interlocuteur nie, expliquant qu'il a surtout rappelé à Éric Breteau les risques encourus. Dans la foulée, Ramayad prévient le procureur de la République. Le 31 juillet, Éric Breteau est reçu par Brigitte Collet, directrice de cabinet de la secrétaire d'État, pour lui rappeler que son opération est en contradiction avec la loi. L'information judiciaire mène à une convocation du président de l'Arche de Zoé fin août à la brigade de protection des mineurs. Malgré toutes ces mises en garde, Éric Breteau ne lâche pas. Une campagne sur Internet, bien ficelée, et des réunions dans toute la France font connaître le projet de l'Arche de Zoé. Dès le mois de juin, plus de 200 familles sont candidates à l'accueil des petits darfouriens. Sachant que chacune a avancé environ 2000 euros, le financement de l'opération est sur la bonne voie. Le 8 septembre, ils sont près de 600 à se rassembler à Valence pour la dernière réunion avant le grand départ. Le discours d'Éric Breteau et d'Émilie Lelouch est axé sur l'urgence de la situation. Tous deux insistent sur l'émotion et l'indignation que provoque ce Darfour oublié. Début septembre, le budget est bouclé, l'opération peut commencer. Le 17 septembre 2007, Éric Breteau, Émilie Lelouch et l'équipe de l'Arche de Zoé débarquent à l'aéroport de N'Djamena, au Tchad. Il s'agit de s'installer dans l'est du pays, près de la ville d'Achebe. De là, faire des navettes avec la ville d'Adré, située à la frontière avec le Soudan. On récupère les orphelins dans les camps de réfugiés. Sur le papier, ça n'est pas plus compliqué que ça. Trois journalistes accompagnent l'équipe. L'un d'eux, Marc Garmirian de l'agence Kappa, filme les protagonistes de cette histoire. Et devant la caméra, Éric Brotteau assume. On peut très bien effectivement nous inventer des histoires de trafic d'enfants, d'escroquerie, où là on tombe avec des poursuites pénales plus importantes. Si on a envie de nous emprisonner pour ça, très clairement, nous pourrons toujours tenter. On a des avocats qui sont préparés à ça, qui ont prévu le coup, qui auront de quoi nous défendre. Et puis, puisqu'on imagine toujours plein de scénarios, moi je suis convaincu que ça va très bien se passer, qu'il n'y aura pas de poursuite. S'il y en a et que ça finit mal et qu'on me met en prison, parce que de toute façon c'est moi qu'on va mettre en prison en tant que président de l'association, si on me met en prison pour avoir sauvé des enfants du Darfour, ce serait quand même un comble dans notre pays. Et je crois que finalement je serais fier d'aller en prison pour ça. Alors. Camouflé derrière l'impératif humanitaire, il a bien préparé son plan, Éric Brotteau. Et surtout les moyens de ne pas se faire repérer par les autorités. Il fait enregistrer son association sous le nom Children Rescue, dont la mission officielle est de gérer un centre de soins pour les enfants victimes du conflit au Darfour. Il arrive sur place avec plusieurs tonnes de matériel et une équipe complète, médecins, infirmières, logisticiens. Il pousse même le subterfuge plus loin. Les membres de l'équipe arborent un t-shirt Children Rescue, dont le logo rappelle étrangement celui de Pompiers sans frontières, ça rassure. Une fois sur place, il recrute une centaine de Tchadiens. L'équipe installe son centre dans trois maisons mitoyennes. Avec un petit avion, les membres de l'association font la navette jusqu'à Adré. Là-bas, ils nouent des contacts avec les chefs de village, expliquent leur mission. Accueillir les orphelins du Darfour dans leur centre, garantissant sécurité, santé et éducation. On ne parle pas de rapatriement. Ils font remplir et signer des formulaires qui assurent que les enfants sont bien soudanais et orphelins. Puis, ils les accueillent. Et ça fonctionne. Alors le soir, ils n'hésitent pas à contacter les familles candidates à l'accueil. Oui, Thierry ? Allô ? Allô, allô, Thierry ? Oui, bonjour, c'est Eric de l'Arche de Zoé. Ah, bonjour. Comment vas-tu ? Attends. Donc, on a une fratrie de trois garçons qui ont, je vais te donner les âges, qui ont 3 ans, un peu moins de 3 ans, 4 ans, 4 ans et demi, et le plus grand a 7 ans. Ces enfants donc, sont en bon état de santé, il n'y a pas de soucis particuliers. Ils ont bien évidemment une histoire difficile, ça tu t'en doutes. Et voilà, on a pensé à vous parce qu'on pense que ça fait un bon petit groupe d'enfants qui serait sans doute très bien avec vous. Maintenant, comme il y a un grand de 7 ans et qu'on est un petit peu au-delà des critères qu'on avait fixés au départ, on voulait avoir votre sentiment à tous les deux là-dessus. Bon, j'ai pas de problème, alors on est d'accord. Hein. Eh ben, donc ça veut dire qu'on avait fait le bon choix en pensant à vous pour ces trois enfants, alors c'est formidable. Donc bien évidemment, vous gardez ça très confidentiel pour vous et rien que pour vous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Mmh. On leur a fait leur Noël. C'est ce qu'elle m'a dit tout à l'heure. C'est Noël avant l'heure. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu. Les contraintes sont nombreuses. La langue, tout d'abord. Les échanges nécessitent parfois deux traducteurs, du dialecte local à l'arabe et de l'arabe au français. Dans la transmission des informations, on peut s'y perdre. Et c'est ce qui arrive. Des enfants présentés comme orphelins ne le sont pas et doivent être renvoyés. Contrainte de temps ensuite. Éric Brotteau souhaite que son action soit rapide. Il a prévu de rapatrier une première partie des enfants dès la fin octobre, un mois après son arrivée. Le 23 octobre, l'Arche de Zoé règle la question du transport aérien. Un Boeing 757 sera affrété le 25. Alors on se prépare, on entraîne dans le plus grand secret les enfants à monter sur une nacelle de fortune. On établit le document d'évacuation sanitaire pour la sécurité à l'aéroport. Et puis, on prévient les Tchadiens de l'équipe à qui on a tout caché depuis le début. À votre avis, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Parce que je suis sûr que vous avez un avis sur la question. À mon avis, vous allez rentrer. Ouais, France, mais c'est bon. Et avec les enfants. Est-ce que les enfants, ils partent d'ici en France? Est-ce que l'État tchadien est au courant? Vis-à-vis, si tu veux, des autorités ici, notre opération ne va pas les déranger parce que ce n'est pas des enfants tchadiens, ce sont des enfants soudanais. Les enfants, les orphelins qui sont ici, ce sont des Soudanais, bien sûr, admettons que ce sont des Soudanais, mais ils ont des familles tchadiennes. Oui. Nous ne voulons pas de problèmes après votre départ. Bien sûr, c'est ça qui nous inquiète. Notre avis, là, le départ des enfants, là, ça amène de gros problèmes demain, ça c'est sûr. Vous ne pouvez pas amener ces enfants. Le 25 octobre 2007, au matin, les membres de l'Arche de Zoé installent les enfants dans les voitures. Ils les couvrent de faux bandages et de perfusions factices. On parle d'évacuation sanitaire. À 4h30, tout est en place, le convoi prend la route. Le voyage de l'Arche de Zoé sera de courte durée. Le 25 octobre 2007, sur le tarmac du petit aéroport de Vatry en Champagne-Ardenne, l'inquiétude monte. Des centaines de personnes attendent depuis plusieurs heures l'arrivée d'un Boeing 757. Le rendez-vous était pourtant bien fixé ce jour-là, à cette heure-là. Pourtant rien, pas d'avion. Et pour cause. À des milliers de kilomètres de là, au petit matin, le convoi humanitaire de l'Arche de Zoé était stoppé net sur la route qui le menait à l'aéroport. La police tchadienne est intervenue. 9 Français, 6 de l'association, 3 journalistes et 7 Espagnols de l'équipage de l'avion affrété sont interpellés. Les autorités tchadiennes leur notifient le chef d'inculpation. Il est lourd, très lourd. Tentative d'enlèvement de mineurs et escroquerie. Très vite, la nouvelle se répand. Côté français, le débat est national et l'Assemblée n'y échappe pas. C'est Ramayad qui se charge de défendre le gouvernement et de condamner l'Arche de Zoé. La parole est à Madame la secrétaire d'État chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, l'État français a été à la hauteur de la situation. Et le restera. Je suis fière de ce gouvernement qui, dès l'annonce des premières rumeurs, a préféré jouer l'excès de prudence plutôt que l'incrédulité. Une association a décidé, au mépris de toutes les lois, d'outrepasser toutes les fermes condamnations formulées par le gouvernement. Fallait-il, je vous en prie. Je vous en prie. Fallait-il mettre les responsables de l'arche de Zoé Montebourg, en prison? Un petit peu de correction, monsieur Montebourg, je vous en prie. Non, monsieur le député. Fallait-il envoyer nos militaires à l'aéroport du Tchad pour arrêter cette opération? Non, monsieur le député. L'Afrique de papa, c'est terminé. Le Tchad est un État souverain. Et la France respecte sa souveraineté. Les zones d'ombre sont nombreuses. Il se trouve que Ramayad était en déplacement au Darfour 2 jours avant l'arrestation de l'équipe. Comment le gouvernement français pouvait-il ignorer la présence et l'activité de cette association présente depuis 1 mois au Tchad, qui a reçu l'aide de l'armée française, le soutien d'autres associations sur place? Comment l'ambassade aurait-elle pu ignorer leur présence? Quoi qu'il en soit, leur arrestation crée un incident diplomatique. L'affaire humanitaire devient politique. Idriss Déby, le président tchadien, s'engouffre dans la brèche. Dans la foulée des arrestations, il parle de trafic d'enfants et de réseaux pédophiles. Il se déplace même à la prison sermonner les membres de l'association devant les caméras. Surtout que les soupçons des autorités locales sont rapidement confirmés. Sur les 103 enfants présents dans le convoi, les 3/4 sont bien tchadiens et en aucun cas soudanais. Et la quasi-totalité des enfants ne sont pas des orphelins, ils ont au moins un parent proche. Les membres de l'arche de Zoé n'en reviennent pas. Ils se sont fait duper. Mais le mal est fait. Du côté de la population locale, la colère grandit face à cette incroyable opération. Alors, la rue s'exprime au Tchad. Pourquoi est-ce que vous manifestez? Je pense que vous connaissez la cause de ces marches de ce matin. Et la cause, c'est vous, la France. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est vous. C'est à cause de vous qu'on a fait cette manifestation ce matin, en tant que mère, en tant que sœur. Vous avez violé la convention relative aux droits de l'enfant. C'est vous-même, vous avez formulé. Les raisons, c'est que justice soit faite dans la transparence et ici à Béché, nulle part. Et que les enfants et les parents entrent dans leurs droits. Nous devrons savoir à partir de maintenant qui fait quoi dans notre région. Hier, c'était nos parents qui étaient transportés, traités comme des esclaves. Aujourd'hui, c'est nos enfants. Demain, ça serait qui? Donc, comme soucieux de cette taxe, c'est pourquoi nous avons manifesté cette organisation pour prouver à l'opinion nationale et internationale que les gens nous exploitent par rapport à cette pauvreté. Donc, nous sommes très mécontentes. C'est pourquoi nous sommes sortis pour pleurer, pour montrer notre douleur. Face à cette situation, Nicolas Sarkozy décide de prendre les choses en main. Et il le fait à sa manière, genre je vais y aller moi-même et vous allez voir ce que vous allez voir. Le 3 novembre, il se rend au Tchad. En amont, il a négocié avec Idriss Déby la libération des journalistes et des hôtesses espagnoles. Il ne peut pas aller plus loin. Les récentes négociations diplomatiques avec le Tchad ont été dures. Faire accepter à Idriss Déby la mise en place du projet EUFOR a été difficile. 3 à 4 000 soldats européens vont se déployer sur le territoire tchadien pour sécuriser les 400 000 réfugiés et déplacés du Darfour. Le pressé sur le dossier des humanitaires pourrait mettre en péril cet accord. Alors le 4 novembre, Nicolas Sarkozy est au Tchad et Idriss Déby annonce la libération des journalistes. Nous devrions faire la différence entre des journalistes qui font leur travail d'information, de communication, avec les responsables de cette ONG, Children Rescue. Je souhaite pour ma part que la justice tchadienne fasse très rapidement la lumière et que les journalistes, y compris les hôtesses, se soient libérés le plus rapidement possible. La France officielle n'y est pour rien, je crois, dans cette affaire. Et ça n'a aucune, je pense, incidence sur les relations entre le Tchad et la France. Dans l'attente de leur procès, les 6 humanitaires restent donc au Tchad. Les images diffusées par la presse en France et le discours qui l'accompagne divisent l'opinion. Leurs visages marqués, leurs fausses tenues de pompiers traduisent l'irresponsabilité de l'arche de Zoé, mais aussi sa bonne volonté, on ne sait pas sur quel pied danser. L'opinion française est donc divisée. Bernard-Henri Lévy les défend, lui. Il parle d'ivresse du bien. Certaines familles candidates à l'adoption maintiennent le bien fondé de l'opération. D'autres se sentent flouées. On va même jusqu'à parler d'Éric Brotteau comme d'un gourou manipulateur. Dans l'intervalle, l'opposition dénonce le style de Nicolas Sarkozy, précipité, inefficace. Alors il s'engage le 6 novembre. J'irai chercher également ce qui reste. Quoi qu'ils aient fait. Il y a des accords de coopération judiciaire Et moi, je préfère qu'ils rentrent. C'est comme ça. Parce que le rôle du chef de l'État, c'est de prendre en charge tous les Français, quels qu'ils soient, qu'ils aient voté pour lui ou pas, ceux qui ont fait des choses bien, mais aussi ceux qui ont fait des erreurs. Ça peut arriver à tout le monde. Et c'est à la justice de dire comment ça doit se passer. La déclaration du président français ne manque pas de faire réagir la population tchadienne. Surtout que le continent africain a encore en mémoire le discours de Dakar du 26 juillet 2007 dans lequel Nicolas Sarkozy explique que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire, un dérapage majeur. De violentes manifestations anti-françaises éclatent à N'Djamena. Des véhicules européens sont caillassés. Du côté du pouvoir tchadien, on ne compte pas céder à la pression française. Fini le droit d'ingérence, comme le rappelle le ministre de la Justice du pays. Cette déclaration me semble inopportune dans ce contexte. Elle semble reléguer à l'arrière-plan le judiciaire. Si cela est possible en France, malheureusement, cela n'est pas possible au Tchad. C'est le juge qui décide ici. Ce n'est pas le président Nicolas Sarkozy qui décidera ce que fera la justice tchadienne. C'est le Tchad, à travers son appareil judiciaire, qui décidera. Mais notamment, je n'exclus pas la coopération judiciaire interprétée et rapproché entre les deux justices. Mais ce n'est pas le président Sarkozy, ce n'est pas le gouvernement tchadien qui décide d'une décision judiciaire au Tchad. Le 21 décembre 2007, deux mois après leur arrestation, le procès des membres de l'Arche de Zoé s'ouvre, N'Djamena. Devant la cour criminelle de la capitale tchadienne comparaissent 4 Français et 5 Tchadiens. De la cellule de sa prison, le jour du procès, Émilie Lelouch témoigne. Ça fait 8 semaines qu'on est un peu en yo-yo, on passe d'espoir en désespoir, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'on voulait ne pas y aller parce qu'on ne veut pas participer à cette parodie. Aujourd'hui, on a changé d'avis, on s'est dit que s'il y a une tribune médiatique, on va s'en servir. Que les gens nous jugent sur nos paroles et pas sur les on-dit, et après, les gens y verront bien. Mais on n'y va pas pour la justice, quoi, honnêtement. On y va, on sait que c'est pas une audience, on sait que c'est une tribune. Vu tout ce qu'on a subi pendant 8 semaines, vu les mensonges et compagnie, donc on peut pas avoir confiance. Donc on y va en se disant, voilà, c'est... On va s'expliquer jusqu'au bout, on va se battre jusqu'au bout. Maintenant, je ne peux pas me dire que j'ai prévu et que je me sens prête à faire des anecdotes pour quelque chose que je n'ai pas fait, quoi. C'est évident que c'est une claque qu'on va se prendre et qu'on va s'écrouler. Mais ça ne veut pas dire qu'on remet en question ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, on est content de l'avoir fait, quoi. Le procès se déroule dans une ambiance étouffante. Une foule impressionnante se masse devant la salle du tribunal. Les Français sont insultés, vilipendés. Certains membres de l'Arche de Zoé ont entamé une grève de la faim. Ils paraissent le visage émacié, marqué par 2 mois d'incarcération et d'incertitude. Arrivé à la barre, Éric Breteau a préparé son texte. Il reprend point par point les chefs d'accusation. Il reconnaît les erreurs commises, mais redit qu'il a été trompé par les chefs locaux. Il pensait sincèrement qu'il s'agissait d'enfants du Darfour et que la situation d'urgence humanitaire légitimait leur extradition. Les témoins sont alors appelés à la barre, un en particulier, essentiel à l'enquête. Il s'agit du Soudanais Souleyman Ibrahim Adan, 57 ans, marabout et interprète. Son témoignage est hésitant, il dit d'abord qu'il a été trompé par Éric Breteau, mais il reconnaît lui avoir amené des enfants qui n'étaient pas Soudanais. En face, les avocats des partis civils attaquent. Ils brandissent les formulaires qu'Éric Breteau et Émile Lelouch ont fait signer aux intermédiaires. Ils dénoncent leurs mensonges sur la finalité du projet. Après 5 jours de procès, la sentence tombe. Les 6 membres de l'Arche de Zoé sont condamnés à 8 ans de travaux forcés et doivent verser 6 millions d'euros aux familles des victimes. Le Tchad a voulu faire de ce procès un exemple, une revanche face à l'incroyable ingérence de l'opération. En France, chez les familles des accusés, c'est l'effroi et la colère. La femme du médecin de l'équipe s'exprime à l'annonce des verdicts. On est à quel siècle? On est en 2008 bientôt, ou on est au 19e, ou dans un mauvais film d'horreur? Un médecin qui part soigner, qui prend de ses congés, qui passe son temps et plus de 8 heures par jour à soigner, à s'occuper des autres. Mais c'est à vous d'écouter de l'humanitaire. Je suis complètement révoltée. On ne peut pas considérer Philippe au même stade que ceux qui ont commandité, même si au départ c'est un beau projet. Philippe, il n'a rien commandité, il n'a participé à aucun prix. Ils ont été condamnés sans preuve. Mais dans quel monde on vit ? Vous rêviez de l'acquittement, vous y pensiez ? Mais évidemment, mais jusqu'au bout, puisqu'il est innocent. Tout le monde le sait qu'il est innocent. Depuis plusieurs mois, les gouvernements français et tchadiens travaillent sur le dossier en coulisses. Ils sont tombés sur un accord de coopération judiciaire. Une fois condamnés, les 6 accusés pourront être rapatriés en France. Il n'y a plus de temps à perdre. Le 28 décembre, les membres de l'équipage de l'Arche de Zoé s'envolent pour la France. Sur le tarmac du Bourget, les familles attendent avec impatience l'arrivée de leurs proches. Mais à nouveau, la situation traduit l'incompréhension dans laquelle s'inscrit cette affaire, depuis le début d'ailleurs. À peine arrivés, les accusés prennent place dans un convoi policier direction la prison de Fresnes. Ils ne passent pas devant leur famille. C'est au parloir qu'ils se retrouveront. Après un mois de détention, le tribunal correctionnel de Créteil confirme l'accord de coopération avec le Tchad et transforme la peine en droit français. Les membres de l'Arche de Zoé sont condamnés à 8 ans de prison ferme. Nouveau coup dur pour les familles. Il ne leur reste plus qu'un espoir, que le président tchadien les gracie. Cette occasion se présente finalement quelques mois après. À nouveau, le contexte géopolitique se montre déterminant. En février 2008, des rebelles lancent une attaque contre le gouvernement d'Idriss Déby. Le président tchadien est acculé. Il repousse difficilement l'assaut dans la capitale, le 2 février. Encerclé dans son palais, il ne doit son salut qu'à l'intervention militaire française et au soutien du président Nicolas Sarkozy. Et dans la balance, il y a bien sûr la grâce des Français de l'Arche de Zoé. Si la France en fait la demande, bien sûr, il n'est pas impossible que j'examine cette question, puisque là, je suis dans mon rôle et c'est de ma responsabilité. Le 31 mars 2008, Idriss Déby signe un accord accordant la grâce présidentielle. Les 6 membres de l'Arche de Zoé sont libérés après plusieurs mois d'emprisonnement entre le Tchad et la France, mais ils n'en ont pas fini pour autant avec la justice française. Le procès français, il s'ouvre finalement en décembre 2012. Éric Breteau et Émilie Lelouch ne s'y présentent pas. Ils vivent en Afrique du Sud et informent qu'ils n'ont pas envie de s'expliquer. Ils viennent finalement le 12 février 2013 et sont condamnés à 2 ans de prison ferme, puis libérés sous contrôle judiciaire le 18 avril 2013. Durant toute la procédure judiciaire, Éric Breteau maintiendra sa version des faits, en gros responsable, mais pas coupable, dans son esprit. L'urgence humanitaire de la situation au Darfour légitimait son action, l'État le soutenait, point. Au final, cette affaire de l'Arche de Zoé traduit les failles de l'humanitaire à la française. Inspiré par le mythe des French Doctors et par le droit d'ingérence, Régis Debray, par exemple, dénonce cette conception avec des mots féroces, parlant, je cite, d'un juste peu judicieux qui préfère la morale au droit international, l'émotion aux atlas, le 20h au livre d'histoire et l'image de soi à la réalité des autres. It's been a long time, now, since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a we'll be right back. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'Arche de Zoé, avec notre invitée Claire Brisset. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, hein, à la base, journaliste. Ah oui, c'est mon métier de base, oui. C'est votre métier de base, et puis on vous connaît surtout pour avoir été la défenseure des enfants, mais vous avez officié avant à l'UNICEF, dont vous étiez la directrice de l'information. Voilà. D'abord, concernant cette affaire de l'Arche de Zoé, quand vous avez appris ça, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez pensé? Parce que ça nous a tous un peu ébranlé, cette histoire. Elle était grave. Elle était grave au moment des faits. Ben, je vais vous dire très franchement, j'ai eu honte. Oui, ça peut être aussi un sentiment. que dans un pays en guerre, comme puisque c'était des enfants théoriquement, du Darfour, donc du Soudan, une région du Soudan où il y avait une guerre, où j'y suis allée plusieurs fois au Soudan, c'est vraiment un endroit d'enfer. Et que des personnes animées d'un souci humanitaire que je crois était sincère, se soient senties le droit d'aller chercher une centaine d'enfants et de les promettre à des personnes bien intentionnées qui, elles, étaient en France, au mépris de toutes les règles et des États souverains sous lesquels étaient ces enfants. Parce que là, il y en avait deux, en l'occurrence. Il y avait donc le Soudan et le Tchad. Et le Tchad. Vraiment, ça m'a fait honte. Alors que le problème est absolument réel, que nous laissons nous tous derrière nous des quantités d'enfants qui vont vraiment très mal, que peut-être on pourrait faire davantage pour respecter, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vraiment la Convention sur les droits de l'enfant que maintenant tous les pays du monde ont ratifié, sauf un. Lequel ? Les États-Unis. Donc, dans la pratique, ce traité est le traité le plus universellement ratifié au monde, puisqu'il n'y manque que cette ratification-là. Donc tous les pays sont engagés à respecter ce traité, c'est vraiment un traité, c'est pas n'importe quel texte, et que malgré ça, une chose comme ça ait pu arriver, franchement, c'était, pour dire le moins, c'était extrêmement dérangeant. Bien sûr, et il y a eu cette phrase de Régis Debray, que nous avons rappelée d'ailleurs à la fin du récit, qui dénonce une conception de l'aide humanitaire comme celle-là, avec des mots féroces. Il parle d'un juste peu judicieux qui préfère la morale au droit international, l'émotion aux atlas, le 20h au livre d'histoire et l'image de soi à la réalité des autres. Est-ce que ça croise, par exemple, votre opinion sur cette affaire? Alors, moi je ne connais pas les personnes qui ont fait ça et qui se sont senties ce droit-là. Franchement, bon, puis ils ont été jugés, à vrai dire, avec une grande clémence par la France une fois qu'ils sont rentrés du Tchad. Mais ce que j'essaye de comprendre, et là, pour eux, j'ai vraiment beaucoup d'estime et même de peine, ce sont les personnes qui ont été abusées, en toute bonne foi, qui croyaient vraiment qu'elles allaient recevoir un orphelin du Darfour, en proie à la famine. Et je mesure la déception qu'ils ont eue, parce que eux, j'ai la conviction que cela était sincère, et qu'ils ne pouvaient pas savoir quelle liberté les auteurs de cette action avaient prise avec les règles de droit international. Ce que j'entends derrière ce que vous dites est un point très important, c'est-à-dire l'adoption internationale. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui sont en grande demande d'élever un enfant, d'adopter un enfant. On sait que c'est difficile, et j'ai cru comprendre que c'est de plus en plus difficile, et qu'il y a un vrai problème, que peut-être c'est aujourd'hui le plus grand problème des enfants dans ce monde. Est-ce que vous pouvez appeler ça une crise de l'adoption? Alors, on ne peut pas penser que l'adoption serait un moyen de résoudre toute la situation. Bien sûr, la situation critique des enfants qui vont très mal, parce qu'il y en a des millions. Mais, en tout cas, ce qui est vraiment problématique, comme vous le disiez, c'est le fait que l'adoption internationale soit en train de s'effondrer, et que, par conséquent, le désir d'enfant étant ce qu'il est, le nombre d'enfants nés sous X en France, donc nés sous le secret, est extrêmement minime, puisqu'il y en a moins de 1000 par an sur 800 000 naissances, faites le compte. Oui. Par conséquent, le désir d'enfant légitime, et qui est quelque chose d'extrêmement puissant chez les femmes et chez les hommes, ne peut plus s'exercer par l'adoption internationale qui, quand elle est bien faite, avec toutes les garanties qu'il est possible d'apporter, est en voie de disparition. Et pourquoi, alors, pourquoi ? Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un faisceau de raisons pour ça. Il y a que la communauté internationale a adopté en 93 la Convention de La Haye, qui visait à remettre de l'ordre dans l'adoption internationale, où il y avait, en effet, beaucoup de dérives, dont celles dont nous parlons, mais il y en a eu bien d'autres. Donc, pour mettre de l'ordre, on a poussé le curseur tellement loin qu'on a fini pardon, par assécher la chose. Et donc, il y a cette raison-là. Parce qu'on demande au pays, à juste titre, beaucoup de garanties. Et il faut qu'il y ait correspondance de droit entre le pays d'origine de l'enfant et le pays, supposons la France. D'accueil. Alors, par exemple, si le pays X dit « je ne veux pas confier pour adoption d'enfants à des personnes de même sexe » ou à des personnes non mariées, déjà, ça réduit les chances, déjà. Ça réduit les chances, puisque en France, c'est permis, mais la France est obligée de se conformer à une correspondance des deux droits. À une règle internationale. Oui, il faut que le droit du pays d'origine de l'enfant l'autorise, sinon c'est pas possible. Bon, il y a des raisons religieuses, mais ça, elles sont très anciennes. Dans les pays musulmans, n'acceptent pas l'adoption, ils acceptent une sorte de confiage, comme on dit, c'est-à-dire des enfants qui ressemblent à l'adoption simple chez nous, c'est-à-dire il n'y a ni transmission des biens, ni transmission du nom. Donc beaucoup de gens veulent adopter, en transmettant et leur bien et leur nom, des enfants, et de préférence très jeunes. Alors, comme il y a de moins d'enfants adoptables dans les pays qui, anciennement, où on pouvait trouver des enfants à adopter, pourquoi ? D'abord, il y a un certain nombre de pays qui, pour des raisons, alors là, vraiment bêtement, de fierté nationale, entre guillemets, disent « non, non, non, mais moi, je ne veux pas confier d'enfants à l'étranger, je suis bien assez grand pour m'en occuper moi-même ». Ça, c'est vraiment une mauvaise raison. Mais il y en a d'autres. D'abord, il y a une baisse des naissances dans un certain nombre de pays. Il y a une hausse du niveau économique. Donc, comme la convention, celle dont vous avez parlé tout à l'heure, celle de 89, ouais, pas celle de l'AE, dit l'adoption internationale ne doit se faire que si on ne trouve pas de solution à l'intérieur du pays. Eh bien, il y a des quantités de pays maintenant où il y a des adoptions intérieures. Il y a des pays, par ailleurs, qui veulent bien confier des enfants pour adoption quand ils sont grands ou handicapés, ou grands et handicapés. Et puis il y a des pays où il y a, par exemple, les pays de l'Est, où il y a eu pas mal d'adoptions d'Ukraine, de Russie, etc. Il n'y en a presque plus. Et quand il y en a, ce sont des enfants grands ou souvent des enfants qui ont souffert de l'alcoolisme fœtal, qui arrivent en très mauvais état. Donc tout ça fait que l'adoption internationale est en chute libre. Il y en a très peu. Là, j'ai vu les premiers pays, c'est Haïti, la Colombie, le Vietnam. Mais c'est quelques poignées d'enfants chaque année. Ça ne doit pas décourager quand même les demandes d'adoption. Parce que si tous ceux qui veulent adopter, s'ils entendent ça, nous, on doit être honnête et leur dire la vérité. Pas du tout, il y en a plusieurs milliers par an. Donc il n'y a pas une baisse de motivation, ça n'a pas entraîné... Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout, surtout la France, qui est traditionnellement un pays où il y avait beaucoup d'adoptions. Il y a toujours beaucoup de personnes qui demandent et obtiennent l'agrément, donc ça, côté autorité française, on leur donne une espèce de quitus, bon, vous êtes bon pour adopter. Alors, cet agrément vaut soit pour des enfants nés ici, en France, soit pour des enfants nés à l'étranger, c'est le même agrément. Mais les enfants nés ici, donc il y en a extrêmement peu, les enfants nés sous X, et c'est d'ailleurs tant mieux, parce que il y a l'avortement qui est possible, il y a la contraception qui est maintenant entrée dans les habitudes, donc les enfants qui naissent sous X, donc sous le secret ici, c'est souvent des dénis de grossesse et des grossesses de très très très jeunes filles. Donc c'est souvent ça. Et il y en a très très peu. Il y en a moins de 1000 tous les ans. Alors, et ça diminue. Bien, donc on a compris que c'était un problème important, parmi d'autres problèmes concernant les enfants sur lesquels on va revenir dans quelques minutes. Je voudrais qu'on revienne quand même sur cette affaire que nous avons racontée, l'Arche de Zoé, la présence des journalistes sur place, les images tournées de l'intérieur qui ont participé de cette mise en scène qui nous a choqués aussi, d'un plan com de la part de ces gens-là, bah ça a considérablement marqué l'opinion. Nous sommes donc allés à la rencontre de l'un de ces journalistes qui a accompagné l'Arche de Zoé, en l'occurrence Marc Garmirian de l'agence Kappa, pour qu'il nous raconte de l'intérieur donc cet événement et les intentions des journalistes à travers un tel reportage. Marc Garmirian, vous êtes journaliste à l'agence Kappa, une agence de presse, et vous avez été au Tchad en 2007, vous aviez suivi l'Arche de Zoé, vous en avez fait un film qui est passé à l'époque sur M6. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette histoire, à cette association humanitaire, l'Arche de Zoé ? Comme beaucoup d'autres rédactions, on avait reçu un communiqué du mois d'avril 2007 où cette ONG annonçait son intention de rapatrier 10 000 orphelins soudanais en France. Personne ne les a vraiment pris au sérieux à l'époque. Lorsqu'ils sont arrivés au Tchad, ils ont commencé par faire le tour des camps de réfugiés pour voir s'il y avait des orphelins soudanais qu'il fallait rapatrier. Ils sont très rapidement rendus compte que non. Donc ils ont ramassé, entre guillemets, des enfants dans les villages frontaliers sans savoir vraiment qui ils étaient, d'où ils venaient, quelle était leur histoire. Il fallait juste qu'ils remplissent leur quota, qu'ils aient à peu près une centaine d'enfants pour les ramener. lorsque je suis arrivé, il commençait à avoir des petits soucis avec la police, les services tchadiens, la frontière et tout ça. Et c'est là que, très rapidement, au bout de 2-3 jours, j'ai compris que leur travail n'était absolument pas sérieux, quoi. Et d'ailleurs, dans votre film, Le scandale des enfants du Tchad, vous montrez les failles de ce système large de Zoé. En France, ils avaient annoncé leur opération, ils avaient joué carte sur table en expliquant ce qu'ils voulaient faire. Au Tchad, par contre, ils ont caché leurs objectifs à tout le monde. Ils leur ont dit, on crée un orphelinat, on s'installe à Abéché pendant 2 ans, on va s'occuper des enfants soudanais. Comment vous expliquez qu'ils vous ont laissé filmer à l'époque? Est-ce qu'ils l'ont fait par conviction ou par naïveté? Par conviction, c'est certain, ils étaient convaincus du bien fondé de leur opération, et je pense qu'aujourd'hui encore, ils le sont toujours. Je parle d'Émilie Lelouch et d'Éric Breteau. Ils étaient super bien organisés, mais ils ont improvisé plein de trucs. Il y a une séquence dans le film où, au dernier moment, je crois 2 jours avant l'arrivée de l'avion, ils se rendent compte qu'il y a eu des travaux sur la piste d'atterrissage de l'aéroport. Et du coup, il y a une tranchée de 20 cm de large là où leur avion devait faire demi-tour. Donc c'est la panique. Et ils arrivent à trouver au déboté quelqu'un qui va remplir de terre le fossé pour que l'avion puisse faire demi-tour dans la raquette en bout de piste. Donc ils sont très très des merdards, ça c'est sûr. Ils étaient bien organisés, ils avaient prévu beaucoup de choses. Sauf ce qui leur est arrivé. Justement, Marc Garmirian, vous êtes arrêté par les autorités tchadiennes avec les membres de l'Arche de Zoé. Oui, alors on est arrêté en fait entre l'orphelinat, entre leur base et l'aéroport. Il y a un moment un peu tendu parce qu'on est doublé par des pick-up de la police qui ont l'arme au poing et tout ça. Et quand on se fait arrêter, il y a un moment où ils pensent encore pouvoir s'en sortir. Mais lui et Émilie sont convoqués chez le gouverneur. Nous, on reste dans la cour du commissariat avec les enfants, dans les voitures. Puis au bout d'un moment, les enfants commencent à avoir envie de faire pipi, etc. Donc on ouvre les portes, ils sortent. Et il y a des policiers tchadiens qui commencent à parler avec eux. Le policier s'adresse à eux en Zagawa, qui est aussi l'ethnie du président Déby au passage. Et les enfants répondent en Zagawa. Et pour les tchadiens, les Zagawas sont des tchadiens. Bien que l'ethnie soit à cheval sur les deux frontières, je me souviens, un policier s'exclame, mais ce sont des tchadiens. Et à partir de là, c'est terminé. Marc Garmirian, vous passez 10 jours en détention, puis vous êtes libéré. Nicolas Sarkozy et le gouvernement français interviennent. Selon vous, pourquoi ont-ils été arrêtés? Il y a plusieurs hypothèses. Soit un de leurs employés tchadiens a contribué à leur arrestation parce qu'il a alerté les autorités locales à ce moment-là. Soit les autorités tchadiennes les surveillaient depuis le début, étaient au courant de leur opération et attendaient tout simplement le moment où ils allaient partir pour les arrêter. La France était au courant, c'est clair. Il est possible que le Quai d'Orsay les ait laissés faire en toute connaissance de cause et qu'ils soient réveillés au dernier moment, une fois que l'opération était bloquée par les Tchadiens. C'est aussi possible. Quelle question reste en suspens pour vous? Il y a plusieurs choses. La première, c'est effectivement, ils auraient pu réussir leur coup. Qu'est-ce qui serait passé ensuite? Ça, c'est une vraie question. La deuxième, c'est est-ce que la même chose serait possible aujourd'hui? Je pense que la réponse est oui. Et la troisième, c'est pourquoi ce genre d'histoire arrive, et je pense que là, ça pose une vraie question sur nos rapports avec l'Afrique, tout simplement. Comme l'a dit très justement le ministre de l'Intérieur tchadien, qui a été le premier à nous voir le jour de l'arrestation, parce qu'il était dans la région, imaginez qu'il y ait une guerre entre l'Espagne et la France, et que je vienne en France pour extrader des orphelins sans prévenir personne. Est-ce que vous pensez que ça serait normal? Il y a quand même une petite question de fond sur ce que ça dit sur nos rapports et notre vision de l'Afrique, et du Tchad en particulier. Claire Brisset, je voyais sur votre visage, à l'écoute de ce reportage, la colère montait. Je trouve que vraiment, cette espèce de rapt d'enfants au nom du jeu, et en plus cette espèce de volonté de faire connaître tout ça, comme faire si c'était un fait de gloire extraordinaire, là, oui, c'est assez déprimant. Bien, allez, rideau sur cette affaire. Parlons de la journée mondiale de l'enfance, aujourd'hui donc. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette journée mondiale de l'enfance? Je ne me pose pas la question de savoir si c'est utile ou pas, c'est utile. Enfin bon, cette action, elle doit se faire tout le temps, pas qu'une journée. C'est quoi le message porté par cette journée? Bon, alors déjà, c'est le 30e anniversaire. Donc ça fait 30 ans que ce texte a été adopté par les Nations Unies, par acclamation. Ensuite, il a fallu qu'il soit ratifié par tous les pays, donc on a vu ça, donc maintenant c'est fait, sauf pour un. Bon, États-Unis. Donc c'est 30 ans. Alors on peut regarder en arrière et s'apercevoir qu'en 30 ans, il y a d'énormes progrès qui ont été accomplis. Ah. Énormes. Et alors là, parce que comme on dit toujours des mauvaises nouvelles, moi, je trouve qu'il faut aussi voir les bonnes nouvelles. Oui, c'est pour ça que je dis, oui. Allons-y. Alors déjà, l'idée de droit des enfants, c'est devenu un objet politique. Plus personne ne peut faire comme si on ne savait pas que ça existait. C'est-à-dire que les enfants, maintenant, il leur est reconnu des droits, les mêmes, les droits de l'homme, que les vôtres ou les miens, etc. et même un peu plus compte tenu de leur singularité qui tient à leur vulnérabilité. Bien sûr. Donc ça, c'est la première fois que ça arrive. Alors, ça fait 30 ans. Il y a eu, en 30 ans, une baisse spectaculaire de la mortalité des jeunes enfants, des enfants de moins de 5 ans. Elle a diminué de moitié. On a environ 6 millions qui meurent par an. 6 millions, c'est beaucoup. Mais il y a 30 ans, c'était plus de 15. Donc, vous voyez, on a diminué vraiment beaucoup. Bon, alors, là, on est content. Oui. Parce que c'est pas le résultat du hasard, c'est le résultat d'efforts énormes de la communauté internationale. Tout le monde s'y est mis, hein, la vaccination, l'adduction d'eau, etc. Dans le domaine de l'éducation, c'est pareil. Il y a environ 60 millions d'enfants maintenant qui vont pas du tout à l'école, du tout. Mais il y en avait plus de 100 millions, donc 120 millions à peu près à ce moment-là. On peut prendre des comparaisons dans tous les domaines, on va trouver des chiffres du même genre. Partout, ça s'est amélioré. Alors, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a des pays où le progrès est beaucoup plus lent, évidemment. Il y a des pays en guerre. Alors, c'est là que ça, évidemment, ça va le plus mal. Parce que dès qu'un pays est en guerre, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de nutrition, il n'y a plus d'accès à l'eau, il y a des bombardements. Enfin, bref, tout ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient ou en Afrique centrale est complètement catastrophique. La guerre, c'est la pire ennemie des enfants. C'est pas compliqué, ça c'est sûr. Mais quand même, je crois qu'il faut dire à ceux qui nous écoutent que vraiment, on n'a pas fait des efforts pour rien. Et que la communauté internationale, elle a investi dans tous les sens du mot, et que ça n'a pas été inutile, vraiment. Alors maintenant, ce qui reste à faire est encore bien plus important que ce qui a été fait. C'est quoi les priorités ? Oh ben, si j'étais une... Elles sont toutes prioritaires, j'imagine, mais quand même. Si j'étais la fée clochette, je dirais faut commencer par arrêter les conflits. C'est ça qui tue le plus d'enfants et qui les fabrique, qui les transforme en réfugiés et même dans le pire des cas, qui les transforme en soldats. On pense qu'il y en a environ 250 000. Enfin, oui, la guerre, bon, c'est épouvantable. Donc la première chose à faire, ce serait que les humains arrêtent de se faire la guerre parce que leurs enfants sont ceux qui prennent le plus. La moitié des réfugiés du monde sont des enfants. Hein. Et alors, ils n'ont pas d'état civil, ceux qui naissent dans ces endroits... Dans ces cloaques que sont souvent les camps de réfugiés. Donc alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelles seraient les priorités? La difficulté, ça j'ai appris ça quand j'étais à l'UNICEF, c'est qu'il faut tout faire à la fois. Il faut, quand on fait du développement, faut tout faire à la fois. Faut faire à la fois de la protection des enfants en danger. Il faut leur donner de l'eau à boire, de l'eau propre qui leur fasse pas mourir de diarrhée, de déshydratation. Il faut les vacciner. Il faut leur donner suffisamment à manger parce que s'ils meurent, c'est qu'ils sont sous-nutris. C'est la rencontre entre une infection et la malnutrition. Donc il faut tout faire à la fois. Il faut faire aussi de la démocratie qui permet aux gens de participer à la politique de leur pays. C'est ça qui est compliqué. Il faut faire des droits de l'homme. Les droits des enfants sont les droits de l'homme. Pour que les familles se sentent respectées. Il faut, par exemple, qu'elles n'aient pas peur quand ils voient un officier d'état civil. Donc, ça marche ensemble, les droits de l'homme. Vous voyez, il y a des personnes qui, dans certains pays qui n'osent pas enregistrer leurs enfants. Pour peu qu'ils fassent partie d'une minorité en plus, ou des choses comme ça. Donc, c'est là qu'on voit qu'on a fait des progrès justement dans tous les domaines. Mais qu'il faut continuer dans tous les domaines. On ne peut pas se dire, moi je vais faire uniquement ça. Alors évidemment, beaucoup d'ONG se disent, moi je vais m'attaquer spécialement à ça, etc., etc., etc. C'est vrai, mais il faut que tout le monde travaille ensemble. Là, on a parlé essentiellement des pays qui connaissent des troubles, qui connaissent des guerres, des sécheresses, des catastrophes naturelles. Ça existe aussi. Puis il y a d'autres pays comme le nôtre, pays démocratique, pays de liberté. La condition des enfants dans un pays comme... En France comme oui, dans un pays comme le nôtre. Bah, on a 15 millions d'enfants, c'est beaucoup, c'est toute une population. On ne peut pas dire qu'ils aillent mal. Globalement, franchement, la France est un pays qui investit beaucoup dans l'enfance et dans le... Bon, alors maintenant, moi je suis toujours en train de faire le balancement circonspect, il y a aussi des choses qui ne vont pas bien. Et ce que je mettrais en tête, moi, c'est la violence. Ouais. La violence contre les enfants. Dans les familles et en dehors des familles, mais c'est terrible à dire, mais le lieu le plus dangereux pour un enfant dans un pays développé comme la France, c'est sa famille. C'est pas propre à la France, hein. C'est propre au pays développé, c'est sa famille. C'est là que se passent des coups, c'est là que se passent. Parce que peut-être qu'il faudrait qu'on laisse la force publique, pas la police, mais les institutions publiques et sociales intervenir parfois dans la famille, mais là on dit non, la famille c'est le cercle privé, vous venez pas. En gros, on fait ce qu'on veut. Intervenir à bon escient, parce que aussi il faut pas non plus que le remède soit pire que le mal. Et moi, j'ai vu ça, quand dans mes fonctions antérieures, c'est extrêmement compliqué d'intervenir dans une famille. Il faut donc former des gens pour le faire. Mais c'est aussi dangereux de ne pas intervenir parfois. Ah ben oui, parce que là, l'enfant, il est sans défense. Ah non, mais bien entendu, bien entendu. Et ce qu'on observe, c'est que les enfants qui courent le plus de dangers, y compris danger de vie, de mort, je veux dire, c'est des tout petits enfants de moins de 3 ans, ceux qui ne peuvent pas se courir, se plaindre, etc. Et on observe aussi, je sais que ça fait drôle quelquefois de dire ça, mais c'est vrai, que les personnes parmi les plus violentes, ce sont les mères. Bien. Clarisse, je vous ai bien relancé sur ce thème-là, mais notre entretien est terminé. Il y a tellement de choses à dire. Merci. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'Arche de Zoé, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Merci à Jérémy Guillon qui était à la technique aujourd'hui.